J'suis arrivé quand j'partirai, c'est-à-dire solo, ouais. J'veux pas de potes, pas besoin, j'serai solo, ouais. Même en ND, j'vais les choquer, j'fais le boulot, ouais. J'envoie la prod, j'fais le texte, j'vais au studio, ouais. Comme la prod, j'y vais piano, piano. Pour l'instant, j'veux pas l'anneau. J'ai la Clio, mais bon, j'dis pas non pour le 4 anneaux, c'est sale vice. L'humain, il veut toujours plus que ce qu'il a, mais il oublie qu'il y a des gens dans le monde qui ont le ventre vide. J'ai donné la grappe de raisin, il m'en reste pas un, j'veux pas te faire dessin. Donc moi, j'reste à la maison, j'me mélange plus gros, c'est trop malsain. Des fois, j'me pose des questions, perds la tête à perdre la raison. Et quand y'a problème, j'essaie même plus de savoir qui a raison. T'as le mal, que du malheur. Dans le monde, le mec crache à peine et se décombre. Y'a un malaise, quand on parle de nos vies ça fait mal. Mais pourquoi, depuis quand, et pour qui on doit s'acharner à vivre? Moi-même des fois je me pose la question. Je sais pas si je parle à raison. Moi-même c'est vrai, mais j'ai mes raisons. Ma rage a grandi au fur et à mesure des saisons. Maintenant le mal est fait, vous aviez raison. Je suis devenu un monstre alors je m'enferme à la maison. Quand je partirai, c'est-à-dire solo, ouais. Je veux pas de potes, pas besoin, j'aurai solo, ouais. Même en ND, je vais les choquer, je fais le boulot, ouais. J'envoie la prod, je fais le texte, je vais au studio, ouais. Je suis Mia, mais c'est rare, j'aurais jamais pu changer. Si demain j'ai le milliard, toute la famille, je vais manger. Sur les nerfs, c'est vrai, je suis sans gêne. Faire du mal, je suis tentée. Je sais pas que tes défauts, je suis méfiante pour éviter le danger. Je suis plus la même, c'est vrai, mais j'aimerais.